Choisis ton camp ou casse-toi. Moi la rime inversée. Ma famille c'est ma fierté. Je n'ai plus de larmes à verser. L'oseille c'est la liberté. Casse-toi. Moi la rime inversée. Ma famille c'est ma fierté. Je n'ai plus de larmes à verser. L'oseille c'est la liberté. À l'aise en guerrière, tout comme Valentino. Les petits se font des films, tout comme Tarantino. Des terres comme Lucchino, armés de Fumino. Les uns après les autres, on tombe comme des dominos. Le rap c'est pas la rue non c'est pas le rap. Pas de boss dans la rue, pas non plus de boss dans le rap. Chacun essaie d'avancer, continue sur ta lancée. Interdit de balancer, trahir est intolérable. On côtoie le béton pendant 11 mois. Le poteau a pris 11 mois, des terres j'travaille le 11 mois. Trop de coups de pute et peu assume les conséquences. Les commères racontent l'histoire à ceux qui ont raté la séquence. On se fout de ce que tu penses, que tu fais ce que tu dépenses. Tu te fais du mal, tu te rends pas compte seulement après tu penses. Pour se faire du bien, on se fait du mal avec essence. Du 1, 3, 9. Choisis ton camp ou casse-toi. Moi la rime inversée. Ma famille c'est ma fierté. Je n'ai plus de larmes à verser. L'oseille c'est la liberté. Casse-toi. Moi la rime inversée. Ma famille c'est ma fierté. Je n'ai plus de larmes à verser. L'oseille c'est la liberté. Ils ont parlé sur moi, ils ont dit que j'ai percé. Maintenant ils se grattent les couilles en attendant le tiercé. Pourtant, beaucoup d'entre eux m'ont lercé. Des fois je rêve de la balle qui va me traverser. Essaie, t'as le droit qu'à un seul essai. Je rigole mais au fond l'animal est blessé. Essaie, t'as le droit qu'à un seul essai. Essaie, essaie. Les haineux, les haineurs, je leur dis vache foudre. J'essaie d'avancer, ils tacent comme batch studer. Si tu veux me fumer, viens pas le casse couvert. Sinon tu finis en trois dans des sacs poubelles. J'ai pas besoin de m'asseoir, moi je cherche pas le trône. Les sentiments coûtent cher et je fais pas de trompe. Salam à tous mes frères, des bouches du Rhône. Du 9-3 ou 1-3. Choisis ton camp ou casse-toi. Moi la rime a bercé. Ma famille c'est ma fierté. Je n'ai plus de larmes à verser. L'oseille c'est la liberté. Casse-toi. Moi la rime a bercé. Ma famille c'est ma fierté. L'oseille c'est la liberté. Je rappe pour toutes les origines, tous les départements. De la salade dans le jean détaillé dans l'appartement. Ça consomme à la chaîne, chacun son traitement. Il suffit pas de dire les choses, faut dire les choses concrètement. Si t'as la flemme, l'oseille peut te motiver. Personne peut démotiver si la puissance est activée. Chacun son cul, on se fout de ce que tu fais. On sait que celui qui dit n'est pas celui qui fait. Choisis ton camp ou casse-toi. Moi la rime inversée. Ma famille c'est ma fierté. Je n'ai plus de larmes à verser. L'oseille c'est la liberté. Casse-toi. Moi la rime inversée. Ma famille c'est ma fierté. Je n'ai plus de larmes à verser. L'oseille c'est la liberté. Casse-toi. Moi la rime inversée. Ma famille c'est ma fierté. Je n'ai plus de larmes à verser. L'oseille c'est la liberté. Casse-toi. Moi la rime inversée. Ma famille c'est ma fierté. Je n'ai plus de larmes à verser. L'oseille c'est la liberté. Casse-toi. Moi la rime inversée. Moi la rime inversée. Moi la rime inversée. Choisis ton camp ou casse-toi. Moi la rime inversée. Moi la rime inversée. Moi la rime inversée. Casse-toi.